Donc, on va aller dans Galates, chapitre 2, chapitre 3, je pense qu'on est rendu, chapitre 3, excusez, chapitre 3, verset 1. Quand on lit l'Ancien Testament, des fois, on a des. Parce que j'ai des réactions, je me dis, mais comment ça qu'ils ont agi comme ça, les Juifs? Comment ça qu'ils ont pas réagi mieux que ça? Ils ont été esclaves pendant 400 ans en Égypte. Ils étaient dans la misère noire, on pourrait dire. Mais tout ce qu'ils avaient à faire, c'était faire des briques, couper de la paille, faire des briques avec de la boue. Faites ça pendant longtemps, jusqu'au point où qu'on tuait même leurs enfants. Dans les fleuves, on les noyait parce qu'on voulait pas que les. On ne voulait pas qu'ils prennent le dessus. On noyait tous les garçons à ce moment-là parce qu'on ne voulait pas qu'ils deviennent plus nombreux que l'armée égyptienne. Puis là, ils se sont devenus plus nombreux que nous autres, ils vont se revirer contre nous et on va avoir des problèmes avec nos ennemis. Mais quand ils ont été délivrés par la main de Dieu, que Dieu les a sortis de là, il dit par sa main toute-puissante, par son bras fort, qu'il dit, ça faisait pas 3 semaines qu'ils étaient dans le désert, qu'ils voulaient déjà retourner en Égypte. Hein. C'est pareil quand tu découvres que tu as oublié tout ce qui se passait là. Et probablement, c'est à cause que leur attente, leur espérance, leur rêve de la liberté avait été bien déçu là, quelque part. C'est pour ça qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Et là, quand ils ont commencé à avoir le moins de petites misères dans le désert, manquer un petit peu d'eau, manquer un peu de viande, manquer un peu de ci, ils ont dit, on va retourner en Égypte, nous autres. On va tuer Moïse, puis on va s'en retourner en Égypte. Ça, c'est. Puis là, on se dit, ouais, non, il est fou. Vous oubliez que vous venez juste de sortir de là, puis vous étiez content et heureux de sortir de là. Vous dansiez, excusez, au bord du fleuve, dansiez, vous glorifiez Dieu parce que vous avez libéré. Et là, 3 semaines, un mois après, vous dites, on sort de là. Et ça me fait penser que dans le Nouveau Testament, des gens qui sont devenus, ou dit, ou déclarés, croyants, qui sont fait baptiser, qui sont devenus des églises évangéliques, si on peut dire ça comme ça, dans ce temps-là, ont l'intention de retourner en arrière, de retourner à leur ancienne foi. Et là moi, je pète les plombs encore une fois, je dis, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, une grande partie du Nouveau Testament est écrite à l'Église pour ça. Et comme je vous ai déjà dit, l'Église s'éloigne toujours de la vérité. Toujours. Et toujours de se faire ramener dans la vérité. Et c'est pour ça que l'Église change de nom. C'est pour ça que les églises qui étaient évangéliques il y a 100 ans, 200 ans, maintenant ne prêchent plus l'Évangile. Se sont éloignées. On prêche d'autres choses maintenant. C'est toujours le même combat. Je vous l'ai dit souvent, le combat de l'Église dans le Nouveau Testament n'était pas moral, mais doctrinal. Doctrinal. Son combat et ses mauvaises compréhensions de la doctrine emmenaient une dégénérence morale. Mais ce n'était pas l'inverse. Ce n'est pas la dégénérence morale qui emmenait une déchéance de la doctrine. C'est l'inverse. Et quand on lit les églises dans l'Apocalypse, on voit que c'est ça. C'est la déchéance doctrinale qui finalement, comme Paul va dire, à l'église, la pire église du Nouveau Testament, entre guillemets, c'est l'église aux Corinthiens. C'est l'Église qui était le plus troublée dans ses croyances. Elle ne croyait plus à la résurrection, complètement égarée, et à cause de ça, ça l'avait amené une déchéance morale. Et c'est quoi que l'Église, dans notre société aujourd'hui, l'Église évangélique, l'Église chrétienne, a les mêmes difficultés de garder l'Évangile et de transmettre à l'autre génération l'Évangile tel que reçu. Tel que reçu. Notre tendance, ça va être de transmettre bien souvent de la tradition humaine, au lieu de transmettre l'Évangile. Ça va être le combat qu'on va avoir entre nous. Et c'est comme beaucoup d'Américains, quand ils sont allés dans les pays en voie de développement, ont voulu transmettre leur culture, au lieu de transmettre seulement l'Évangile. Et ça fait on leur dit, vous allez mettre des cravates, vous allez vous habiller comme les Américains, vous allez faire comme les Américains. Et c'était une erreur fondamentale. C'était une erreur fondamentale. Au lieu de donner l'Évangile à ces gens-là, et qu'eux autres l'appliquent dans leur culture. Ça aurait été pas mal plus intelligent. C'est ce qu'un peu Hudson Taylor a fait en Chine. et que ça s'est propagé à une vitesse épouvantable. Parce qu'il a laissé les Chinois appliquer l'Évangile comme ils voulaient dans leur culture. Et donc, c'était vraiment plus facile à ce moment-là de le faire, ça. Et on va regarder à soir cette même vérité chez les Galates. Les Galates ont le même problème. Ça fait pas longtemps, là. On pense que l'Épître aux Galates, c'est la première épître. Si c'est la première épître écrite par Paul, 20 ans. Juste 20 ans après la mort de Jésus. Ils sont déjà en train de vouloir virer de bord. C'est pas long, hein? Nous m'avons dit 2000 ans en arrière, comment l'Église a pu faire comme ça toute l'heure. Juste 20 ans. Parce que le Nouveau Testament, tout est écrit en dedans 60 ans. Puis on a tous des problèmes avec les doctrines, donc ça ne prendra pas si longtemps que ça. Juste en 60 ans, il y a des problèmes. Donc, on va voir que Paul dit, il va leur dire un peu plus loin, vous êtes en train de vous éloigner, et si vous allez dans la direction que vous pensez, j'ai travaillé pour rien. Pour rien. C'est vraiment une épître qui est assez, je dirais, autoritaire, je peux dire le même. Pas méchante, mais autoritaire, et très, très tranchante. Un peu comme l'épître aux Hébreux, qui va répéter à 6 fois, à 6 reprises de différents. Si vous faites ça, vous êtes perdu. Si vous faites ça, vous êtes perdu. Si vous faites ça, vous êtes perdu. Et ils ont aussi le même problème que les Galatiens. Ils voulaient retourner en arrière à une ancienne foi qu'il y avait avant. Et Paul leur dit, si c'est Paul qui écrit l'Épître aux Hébreux, si vous faites ça, vous êtes perdu. Mm. Donc, à ce soir, on va voir l'Épître aux Galates. Et l'apôtre, il va commencer au verset 1. « Aux Galates dépourvus de sens. » Certaines traductions ont « aux Galates insensés. » Insensés. Hors de sens. Insensés. Hein? Sans le bon sens. Et le mot insensé dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre des Proverbes, c'était l'insensé, c'était celui qui allait contre Dieu. Il était marqué l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Donc c'est pas un manque de quotient intellectuel. Le gars peut être très, très, très intelligent, mais il est insensé parce qu'il ne va pas dans la direction que Dieu veut qu'il aille, dans ce sens-là. Et là, il dit, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? On va arrêter là pour le moment. Tout le grand argument de l'Épître aux Galates, c'est la loi ou la foi? La loi ou la grâce. C'est tout le grand argument de l'Épître aux Galates. Et ici, l'apôtre Paul va donner 3 arguments en faveur de la foi et non pas en faveur de la loi. La loi, on va voir plus tard qu'elle avait un but. Elle a atteint son but. Elle est passée date après ça. Elle avait son but à faire. Elle est passée date après. Et c'est pour ça que l'Épître aux Hébreux va dire si clairement. L'ancienne alliance, c'est terminé. Puis la loi, c'était sa partie de l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle alliance. Tout est nouveau. On ne fonctionne pas de la même manière que dans l'ancienne alliance. Et beaucoup de mouvements religieux ont mélangé les 2 alliances, malheureusement. On a juste emmené ça ensemble et ça a fait un fiasco. C'est un fiasco. Et ça, c'est fini, puis on commence une nouvelle, une autre alliance. Et ici, il va donner des arguments en faveur de la foi. Au détriment de la loi. Donc, il dit, qui vous a fasciné? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, fasciné? Que t'as dit, toi, tu as dit quoi? Non, c'est fasciné. Moi, j'ai envoûté. Envoûté. Oh, là, c'est encore plus quasiment ensorceleur. T'sais. Quelqu'un qui t'envoûte, c'est que tu es sous une espèce de charme. Tu es quasiment comme hypnotisé, tu sais, là. Tu es envoûté. Ici, il dit, vous avez été fasciné. Donc, c'est toujours subtil, les changements qui se passent. Toujours subtil. Ça ne vient jamais frapper à la porte. Je dis tout le temps, le diable ne vient jamais frapper à la porte habillé en diable. Il vient toujours frapper à la porte déguisé en ange de lumière, comme Paul dit dans Corinthiens. Il ne vient jamais déguisé en diable. Ça va être trop facile à reconnaître, dans ce sens-là. Mais il vient subtil. Il vient habiller, il vient se présenter de façon qui fascine. Quelque chose qui dit, mais me semble, ça a de l'allure, me semble, ça a de l'allure. Il envoûte, il manipule. Il dit, vous êtes fait manipuler, vous êtes fait envoûter, vous êtes fait ensorceler, vous êtes fait fasciner. Il va te montrer, pour les emmener avec lui, trois choses que la foi la prédication de la foi a emmenées, que la loi n'avait pas pu produire. Je me souviens une fois que j'ai fait une étude avec mes enfants chez nous. On faisait une étude sur l'Épître aux Hébreux, le soir chez nous avec nos enfants. J'avais mis deux grands cartons sur le mur. Un, ça marquait en haut Ancienne Alliance, et l'autre, ça marquait Nouvelle Alliance. Puis on va écrire les privilèges des deux, les façons que les deux fonctionnent. Puis à la fin, vous choisirez par vous-même quelle alliance vous voulez être, dans quelle alliance vous voulez être. Quand on a eu fini, le carton de la Nouvelle Alliance était quasiment rempli, au détriment de l'autre. Il y en avait moins, mais même un enfant de 10 ans, 11 ans, 9 ans pouvait avoir, on veut pas celle-là, on veut celle-là, c'est bien mieux celle-là, celle-là est bien plus avantageuse. Là, même un enfant de 10 ans pouvait voir la vérité que Dieu voulait passer. C'est pas, t'as pas sorcier à comprendre que la nouvelle alliance était beaucoup avantageuse sur l'ancienne alliance. Pas que l'ancienne alliance était mauvaise ou contre Dieu, ben non, elle avait son raison d'être, elle l'avait accompli, mais il dit, ne retournez pas à ce qui est moins bon. Maintenant que vous avez connu l'automobile, ne retournez pas à vos chevaux, à vos chameaux. Vous avez connu l'automobile. C'est bien facile avec l'automobile de faire du travail. Et là, donc, ici, il va faire sortir, verset 2 à 4, la prédication de la foi a donné le Saint-Esprit. Les Galates avaient reçu le Saint-Esprit par la prédication de la foi. Et la prédication de la foi, alors, c'est quoi? C'est quoi la prédication de la foi? Paul le décrit au verset 1. Paul se présente au verset 1 comme un peintre. Un peintre. Il dit, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint. Il dit, l'image que je vous ai dessinée devant vous autres, c'est un Jésus crucifié. C'est ce que je vous ai prêché. Un Jésus-Christ mort pour vous. Je me souviens quand j'étais une fois dans l'Ouest, il y a un pasteur qui s'est levé pour prêcher. Et comme il se levait, sa femme s'est levée en même temps, puis elle suivait sur l'estrade. Je dis, ah, les Baptistes ont évolué, la femme s'en va prêcher avec le pasteur. Mais elle s'en va dans une autre direction. Le pasteur s'en va à la chaire, puis elle va s'asseoir sur un petit banc, au côté. Puis d'où à nous autres? J'ai dit, il le met en punition. Ah, t'as pas été gentil aujourd'hui. Il le met en punition, là, je changeais de direction. Ben, elle bougeait pas. Elle était là assise face au mur. Oui, hein. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Oui, moi, oui, mais j'étais un petit Québécois. Personne ne disait un mot. Fait, moi, je disais pas un mot non plus. Hey, ferme-toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Et là, le pasteur commence à prêcher. Puis il prêche. Puis ça faisait à peu près 3 ou 4 minutes qu'il prêchait. Elle a commencé à dessiner. C'est une toile noire qui était devant elle, voilà, qu'on ne la voyait pas avec le mur. Elle s'est mise à dessiner avec du blanc, avec une espèce de fusain blanc. Puis elle dessinait. Pendant que lui prêchait, elle dessinait. Puis le monde regardait les deux, puis elle regardait là. Puis on pouvait, elle dessinait, puis on ne pouvait pas deviner ce qu'elle dessinait, parce qu'elle en faisait un petit bout, elle s'est tombée, puis elle commençait un autre petit bout sur le bas, puis elle s'est tombée, puis elle commençait. Elle ne voulait pas qu'on voit, avant que son mari ait fini de prêcher, qu'est-ce qu'elle était en train de dessiner. Parce que sa peinture était ce que lui prêchait. C'est la même équivalence. Puis lui, il prêchait sur un psaume qui parlait de la création, la splendeur des cieux, puis tout ça. Puis quand elle avait fini, c'était un petit gars assis sur une clôture de perche, un petit gars à 5-6 ans, qui regardait les étoiles, puis la lune, il regardait la création de Dieu. Puis il était comme. Ce petit gars était comme émerveillé devant la création, puis c'est ça que lui prêchait, la gloire de la création de Dieu. Puis quand on regardait bien comme fou la peinture, le dessin, dans les étoiles, elle avait écrit le mot Jésus. La façon qu'elle avait fait ses dessins, on voyait le mot Jésus décrit là-dedans. Puis après la réunion, j'allais la voir, j'ai dit, hey, c'était super. Puis je finis par savoir qu'elle était peintre, reconnue par le gouvernement du Canada. C'est une peintre, c'est une professionnelle. Elle n'exerçait plus aujourd'hui, mais elle avait été déclarée peintre professionnelle au niveau du Canadien. Donc elle avait des talents épouvantables. Donc, mais c'est pour vous dire, elle a peint ce que son mari prêchait. Puis Paul ici, il prend le même exemple. Je vous ai peint une image, c'est du Jésus-Christ crucifié. Il dit, qu'est-ce qui vous fascine à ce point-là pour vous détourner de ce que je vous ai prêché? Ce Jésus crucifié pour vous, ce Jésus qui est mort pour vous. Il dit, quand je vous ai prêché ça, et que vous y avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit. Ce que la loi n'a jamais pu vous donner, même la pratique de la loi que Paul se dit pharisien, mythe pharisien, quant à la loi, il était irréprochable. Paul était un homme qui avait observé la loi le mieux qu'il pouvait, il dit, mieux que tous les gens de mon âge. J'étais un zélé de la loi juive, mais je n'avais jamais reçu cet esprit pour ça. Il dit, cet esprit vous a été donné, puis il m'a été donné quand j'ai entendu l'Évangile pour la première fois et que j'y ai cru. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai reçu le Saint-Esprit. Donc, il dit, c'est pas la loi qui vous a donné ça. C'est pas votre obéissance à la loi. C'est pas tous ces règlements que vous avez suivis pendant toute votre vie qui vous a donné cet esprit. C'est, je vous ai, la prédication de la foi. Donc, le mot foi, c'est pas ma foi, mais c'est la foi, le contenu de la foi. Et quand vous lisez votre Bible, toujours attention par le mot foi. Des fois, il parle de ma foi, des fois, il parle de la foi, le contenu de ma foi. OK, c'est différent. L'apôtre Paul dit que la foi a été transmise une fois pour toutes. Donc, il ne parle pas de la mienne, il parle du contenu de l'Évangile, qui est appelé des fois la foi. Il dit, la prédication de la foi, ici, vous a donné le Saint-Esprit. Et pour moi, le Saint-Esprit, c'est le don le plus merveilleux qu'un être humain ne peut pas recevoir. Pour un juif, là, c'était... Ça aurait été presque une folie à tomber à terre, à se rouler, de penser qu'il aurait pu devenir le temple de Dieu. Les autres qui avaient été vus dans une culture qui ne pouvait jamais rentrer dans le temple et aller voir Dieu où ce qui était dans le temple. Et là, maintenant, il se faisait dire par les apôtres, par les prédicateurs, vous êtes devenus, vous, le temple de Dieu. Alors, c'était, c'était vraiment, wow, Dieu habite en moi. Je n'aurais jamais pu m'approcher de lui, maintenant il habite dans mon cœur. C'est un des avantages de la Nouvelle Alliance. Vous n'avez plus besoin d'aller au temple. Vous êtes maintenant le temple. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher Dieu. Dieu est en vous. Donc, c'est tout un avantage, toute une sécurité, toute une valorisation. Je suis le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans tous les cœurs. Les hommes ne sont pas tous le temple de Dieu. Seulement ceux qui ont entendu la prédication de la foi et qui y ont cru. Sans ça, ils ne l'ont pas. Parce que Paul connaissait la loi sous le bout des doigts. Et pourtant, il n'avait pas reçu cet esprit encore. Donc, il y a un grand avantage de la prédication de la foi sur la pratique de la loi, c'était, tu reçois cet esprit. Tu reçois cet esprit. Dieu vient habiter en toi. Sans l'esprit, on est mort spirituellement. Sans l'esprit, on ne voit pas clair spirituellement. Sans l'esprit, on ne peut pas comprendre les Écritures. L'apôtre Paul dit ça dans Corinthiens. Seulement l'Esprit de Dieu peut faire comprendre les choses de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, on ne comprendra jamais vraiment le sens de l'Évangile. Jamais. On peut l'entendre 1 million de fois sans la comprendre. Sans la comprendre. Le sens spirituel, on va comprendre l'histoire. Je peux compter toute l'histoire, mais je n'en comprends pas le sens spirituel. Et ça ne s'applique pas dans ma vie. Fait que ça ne me fait pas naître de nouveau. Ça ne me fait pas comprendre les vérités. Ça n'ouvre pas mes yeux spirituels, okay, dans ce sens-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il dit au verset 5, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou la prédication de la foi? La réponse, c'est quoi? Par la prédication de la foi. Et Paul, il dit ici, tous les miracles que Dieu a faits parmi vous, parce qu'il dit celui qui vous accorde l'Esprit et celui qui opère les miracles, c'est le même. Il dit, il fait tous ces miracles-là qui se sont produits parmi vous et qui se produisent encore, parce qu'il parle, il dit bien, celui qui opère des miracles parmi vous, donc ça, c'est un présent, donc ça se continue. C'est qui ça, ce gars-là? Et c'est Dieu. Mais il dit, c'est venu avec quoi, ça, ces miracles-là? Avec la prédication de la foi. La loi n'a jamais amené ça. La loi n'a jamais produit ça. Et la loi n'a jamais produit ces miracles-là. C'est la prédication de la foi qui est venue en vous et qui est venue vers vous par la prédication de l'apôtre Paul ici, et que vous avez cru, ça l'a produit dans votre entourage plein de miracles. Et les miracles avaient un but précis. Ce n'était pas le bien-être des humains, pas, je, c'était, pas, c'était, pas, c'était pas le bien-être, pas le bien-être des humains, c'était la gloire de Dieu. Oui, mais c'était pour la confirmation de la vérité. En faisant les miracles, il confirmait qu'il venait de la part de Dieu. Il confirmait que l'évangile qu'il entendait était de Dieu, que Dieu appuyait ce qu'il était en train de faire. C'était tout l'argument de l'apôtre Paul qui est arrivé à Jérusalem devant tout le conseil de l'Église, des anciens, des apôtres. Il dit, comment pouvez-vous dire que ce n'est pas Dieu qui, est avec, qui a fait le travail que, parmi les païens? Regardez tous les miracles qu'il a fait. Donc Dieu a mis comme un sceau sur le travail qu'on a fait. Parce que si Dieu n'était pas été en accord avec ce qu'on faisait, il n'aurait jamais fait ces miracles-là. Si Dieu n'avait pas été en accord avec ce qu'on prêchait, il n'aurait jamais été, jamais fait de miracle. Il se souvient de ce que Nicodème a dit à Jésus. Nous savons que tu es un docteur ou un prédicateur ou un enseignant qui vient de Dieu à cause des miracles que tu fais. Ces miracles-là confirment que tu venais de la part de Dieu. Il y a des pharisiens qui avaient pensé, dit à un moment donné qu'ils pensaient que c'était de Belzébuth. Oui, oui. Mais Nicodème était un pharisien, lui, il a cru que ça venait de Dieu. Oui. Okay? Ceux qui ont dit que ça venait du diable, il avait rien fait avec eux autres. Hein? Mm. Mais il savait qu'il y avait des miracles qui se passaient. Mm-hmm. Okay? Donc, le miracle, quand il se produit, il dit il y a du. En dehors du humain, en dehors de l'humain. Il y a quelque chose qui intervient, là, qui vient en dehors de l'humain. Donc, tu peux dire que c'est Dieu, ou si tu ne veux pas croire ça, tu vas dire que c'est le diable. Mais ça vient en dehors de l'être humain, parce que pharisien comme pas pharisien, tout le monde s'est arrivé que les êtres humains ne sont pas capables de faire une mouche. Hein? Fait que, laisse-moi tranquille, ressusciter des morts. Okay? Donc, ils ne sont pas capables de faire ça. Donc, soit que c'est Dieu qui le fait, soit que c'est le diable. Et le diable ne fait pas ça, généralement. Pas quand tu prêches l'évangile, du moins. Okay? Parce qu'il ne veut pas confirmer ce que tu fais. Il veut défaire ce que tu fais si tu prêches l'évangile. Donc, il dit, tous ces miracles que Dieu a fait et qu'il fait là parmi vous, pour vous aider à croire, pour vous amener à croire, pour vous aider à voir que l'évangile proclamé, c'est la vérité. Est-ce qu'il l'a fait par la prédication de la loi ou la prédication de la foi? C'est la prédication de la foi. Même si un homme ou une femme pourrait mettre en pratique la loi, ça l'amènera jamais à mériter un miracle dans sa vie. Ça n'a jamais produit un miracle dans la vie des gens, l'obéissance morale au principe de Dieu. C'est la prédication de la foi qui a fait manifester la grâce que Dieu était présent et que Dieu voulait faire de quelque sorte. Vous savez comme moi qu'il y a eu juste 4 grandes périodes de miracles dans la Bible. Juste 4. Des fois, on s'imagine qu'il y a eu des miracles tout le long de l'histoire de la Bible, mais c'est pas vrai. Des fois, il y a des milliers d'années entre les séquences. Il y en a eu, à la création, c'est certain, mais il n'y avait personne là pour regarder. Dieu fait un paquet de miracles pour créer le monde entier, mais il n'y a personne pour regarder. Okay? Mais la première période de miracles qu'on voit dans la Bible, c'est la sortie d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Tous ces grands miracles que Moïse a fait, séparer la mer rouge, toute l'affaire. Une grande période de miracles, parce qu'on commençait une ère nouvelle. On passait des ancêtres, des patriarches, à la loi. Là, Dieu était pour donner la loi. Il y avait une nouvelle ère qui commençait. Et ça a duré pendant un temps, pas longtemps, le temps que Moïse était là. Ça l'a arrêté après ça pendant des centaines d'années. Et ça l'a reapparu avec Élie puis Élisée. Qu'eux autres commençaient une nouvelle ère de la prédication du Messie. Que le Messie s'en venait. Que la nouvelle alliance s'en venait. Et Dieu a fait des miracles alentour de ça. Et la troisième période, la venue de Jésus et des apôtres, l'établissement de l'Église. C'est juste des miracles. Et après ça, ça ne se faisait pas. On n'en voit pas dans la Bible. Tous ces grands hommes-là de Dieu, comme Moïse, comme Salomon, ils n'ont jamais fait de miracles, ces gens-là. C'était pas le but. C'était pas le but. Jean-Baptiste n'a jamais fait un miracle de sa vie. C'était pas le but. Donc, les miracles sont, dans la Bible sont donnés pour confirmer le début de quelque chose d'autre. Un changement dans la façon de fonctionner. Et vous allez avoir une autre période de miracles qu'on voit dans la Bible, c'est au retour de Jésus, Apocalypse. On a un paquet de miracles qui vont se faire encore et qui vont marquer un changement, encore une fois, de passer du monde terrestre dans lequel on est au nouveau royaume de Dieu dans lequel on va vivre. Donc, les miracles ne sont pas là pour le bien-être des gens. C'est l'erreur que souvent on fait en tant qu'être humain. On pense que les miracles sont là pour notre bien-être. Mais non. Mais non. Le miracle est là pour confirmer la présence de Dieu. Que Dieu est là, présent. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Sans avoir vu. Et donc, ici, les miracles n'ont pas été donnés pour que l'Église ait une meilleure santé, mais pour que l'Église voit que Dieu est à l'œuvre à l'entour de ça. Et tous ces miracles-là ont accompagné la prédication de la foi. Donc, Paul il dit, pourquoi vous voulez retourner à la loi quand la loi n'a pas produit ça? C'est la prédication de la foi qui a produit ça, et non pas la loi. Vous êtes insensé, parce qu'il dit par deux fois, vous êtes insensé de vouloir retourner en arrière. C'est idiot en québécois, on dirait. Il y a certaines bibles qui traduisent, c'est stupide. Il y a des bibles qui traduisent, c'est, vous êtes stupide de faire ça. Ça n'a pas de sens dans la tête. C'est vraiment, Paul y va avec des mots assez crus. Et je n'ai pas son timbre de voix. Je ne sais pas comment il l'aurait dit s'il avait été en personne devant eux autres. C'est peut-être mieux qu'il l'ait. Ce qu'il dit en anglais, il dit foolish. Foolish, oui. Vous êtes fou. Fou. vous êtes fou de penser ça. Nous autres, on traduit dépourvu de sens, ça fait plus, c'est plus doux que stupide ou fou dans ce sens-là. Donc, ça, c'est la deuxième raison. Il dit la prédication de la foi vous a donné le Saint-Esprit. La prédication de foi a produit un paquet de miracles pour confirmer ce qui avait été dit était de Dieu. Et troisièmement, au verset 6, il y a une autre raison, qui je crois que la plus importante pour nous, jusqu'à un certain point. Comme Abraham crut à Dieu et que ça lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi. » Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la foi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois. » afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, il dit, la prédication de la foi a emmené la justice. Vous avez été déclaré juste par la prédication de la foi. Ou on pourrait le dire autrement, la prédication de la foi a enlevé la malédiction qui était sur vous et vous a donné à la place une bénédiction. Okay, donc, il est en train de dire ici, comment vous avez traduit ça, là, vous autres, dans le verset 6, et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que tu as, toi? Verset 6. Ce lui fut compté comme justice. Compté comme justice. Et, Lucie, tu as quoi? Il a eu confiance en Dieu, et Dieu en porta sa foi à son crédit. Ben, c'est bon, ça. Mettre à son crédit. Oui. Toi, en anglais? Righteousness. Donc, c'est le mot dans la langue originale, c'est déposer dans le compte. C'est un terme bancaire. C'est que tu déposes quelque chose dans le compte de quelqu'un. 100 piastres ou 1000 piastres, tu mets ça dans son compte. Donc, la personne reçoit quelque chose. C'est le contraire de amputer. Amputer, c'est te couper un bras, je t'ampute. Si je impute, je donne un bras. Je te donne un bras. Donc, ici, c'est imputer la justice. Dieu dit, à cause qu'Abraham a eu la foi, Dieu a déposé dans son compte de banque céleste la justice. Est-ce que ça s'est fait par la loi? Ben non. Abraham était avant la loi. La loi n'a pas été encore donnée à Moïse. Donc, il dit, Abraham, Dieu lui a donné la justice, non pas à cause de la loi, mais à cause de la foi qu'il a eue. Il dit, Abraham crut, hein, a eu la foi. Dieu a dit, je vais te donner un enfant. Il a cru. Il dit, il fallait mourir. Ben non, il fallait mourir. Tu m'as dit que j'aurais des enfants, une multitude. Mais il dit, si Dieu l'a dit, il va le faire. Donc, il est en train de tuer son fils, Dieu l'arrête. Parce qu'il dit, Abraham avait la foi. Dieu disait, va là-bas, je vais te donner un pays. Il y va. C'est un homme de foi, il croyait. T'as pas un bon gars, Abraham. Ah, non, non, pas plus que moi. Je m'asseyerai au côté, puis je n'aurai pas pu me comparer avec lui. Pas un meilleur que moi. Bon, moi, j'ai toujours l'exemple de fou, là, vous veux dire. Il y avait 6 femmes, parce que moi, j'étais encore meilleur que lui. Je n'ai rien qu'une. Il y avait 6, 8 femmes, Abraham. Il y a eu 7, 8 femmes. Tous les hommes de l'Ancien Testament, en grande partie, ont eu plusieurs femmes. En même temps, non? Oui, oui, oui. Il y avait sa femme, puis il y avait une autre. Mais il y avait déjà la loi à savoir qu'il n'y avait pas le droit d'en avoir plus qu'une. C'était, je crois que du paradis, où ce que Dieu, l'homme s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair, c'était déjà dit là. Okay. Okay. Et tous les hommes après qui ont pris plusieurs femmes allaient contre ce principe que tu as une femme, tu t'attaches à ta femme, tu fais une seule chair, pas une seule chair avec chaque femme, tu deviens une chair. C'était dans la pensée de Dieu dès le paradis terrestre. Okay. Okay. Dieu n'a pas fait un homme avec 6 femmes dans le paradis terrestre, il a fait un homme et une femme. Okay. Donc, cette polygamie est venue dans le cœur après que Caïn, puis son garçon, c'est Abimélec, je me sens. La méchanceté est venue, il n'y a plus plusieurs femmes. C'était le premier. Il commençait à avoir plusieurs femmes à cause de la méchanceté. Puis la Bible, elle dit bien à cause de la méchanceté du cœur qu'il a commencé à faire ça. Et donc, automatiquement, Abraham, s'il avait 6 sa femme, il allait déjà contre la pensée de Dieu. Il n'était pas meilleur que nous autres. C'est parce qu'il a cru. La foi. Dieu dit, je peux dire n'importe quoi à Abraham, puis il va me croire. Donc il peut dire à Abraham, je te sauve. Abraham a dit, oui, je te crois. Tu vas dire n'importe quoi. C'est comme on a vu l'autre fois avec le paralytique, là. Tes péchés te sont pardonnés. Il croit ça, lui, parce qu'il avait la foi. Jésus dit, voyant la foi, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Oui, ok, c'est bon, merci. Il ne s'astine pas, il ne s'argumente pas, il faut juste dire, oui, merci. Et Abraham était comme ça. Puis il dit ici, ce sont ceux qui ont la foi, hein, sont les vrais enfants d'Abraham. Comme lui. Ce n'est pas les Juifs qui sont enfants d'Abraham. C'est ceux qui ont la foi d'Abraham qui sont les enfants d'Abraham. Ou les fils d'Abraham. Ou, là, on parle spirituellement, bien entendu. Il dit, si vous avez la même foi qu'Abraham, qu'est-ce que Dieu va déposer dans votre compte? Qu'est-ce que Dieu va vous imputer? La même chose, la justice. Hein? Ce que la loi n'a jamais pu vous donner, la justice. Au contraire, qu'est-ce qu'elle vous a donné la loi, selon lui? Qu'est-ce qu'elle a donné la loi? La malédiction. Malédiction. Parce que, aussitôt que je mets une loi devant toi, tu es pas capable de la faire, et ça entraîne la malédiction sur toi. Parce que Dieu dit à l'homme, mange pas de l'arbre que là. Il en a mangé, et ça l'a entraîné la malédiction, la mort, hein? La mort spirituelle est venue, chassée du paradis. Ça l'a amené la malédiction dessus. La loi a fait juste une chose. C'est en mis la malédiction sur nous. C'est juste une chose, parce qu'on est probablement. La loi a dit, si tu fais tout ce que je te dis, là, tu vas avoir la vie. Mais personne ne le fait. Personne ne le fait. Donc, ce qu'elle amène? La malédiction, la mort. Puis il dit, lui, maudit. Maudit, ça veut dire séparé d'eux, hein, séparé de Dieu. Donc, il dit, si vous vous attachez à la loi, tout ce que vous allez avoir, c'est la malédiction. Si vous retournez à la loi, tout ce que vous allez avoir, c'est la malédiction. Mais dit par la prédication de la foi, et quand vous l'avez cru, Dieu a déposé dans votre compte de banque céleste, on peut le dire, la justice. Comme Abraham. Comme Abraham. Donc, qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un de juste? Ce n'est pas mon comportement de tous les jours. C'est quoi? La foi. Même comme Abraham. Si j'ai la foi, Dieu me déclare juste. François, vous me permettez de vous interrompre. Oui, oui, oui. Là, je ne me rappelle pas, mais dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il y a un jeune homme qui s'approche de notre Seigneur et dit, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Je ne sais pas où ça se situe, là, mais... Luc 18. On va le voir dans Luc. Oui. Et notre Seigneur dit, observe les commandements. Oui. Puis, il n'était pas capable. Il a dit, tout ça, je l'ai fait. Ça, Jésus savait très bien qu'il était capable de le faire. Parce que quand il est venu, qu'est-ce que je dois faire pour la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Observe les commandements. Si tu penses que tu es capable de faire ça, observe les commandements, vas-y. Jésus n'était pas capable. Parce qu'après, il dit, va vendre tous tes biens, viens, suis-moi. Si tu me suis, moi, tu vas avoir la vie éternelle. Ce n'est pas en observant la loi, tu n'es pas capable. Le jeune homme croyait qu'il était capable de le faire. Mais Jésus savait très bien qu'il était capable de le faire. Mais lui, le jeune homme croyait qu'il était capable de le faire. Parce que si Jésus avait arrêté là, il aurait dit, ok, vas-y, observe la loi, tu vas avoir la vie. C'est tout ce qu'il a dit. Oui, c'est vrai. Il n'a pas dit ça. Il dit, si tu penses que tu es capable, vas-y. Vas-y, va faire la loi. Vas-y. Parce que Jésus avait dit avant, quand on mange ce petit boulet, ce que Jésus avait dit, quand il est arrivé le jeune homme, il dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a répondu quoi? Il n'y a que Dieu seul qui est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a juste Dieu de bon. Donc, il aurait dû comprendre, le petit bonhomme, que Jésus est en train de lui dire, t'es pas bon, mon chum. Il y a juste Dieu de bon. Il y a juste Dieu de bon. Fait que tu ne peux pas dire que tu es capable de mettre en pratique la loi. Tu n'es pas bon. Tu n'es pas capable de le faire. C'est pour ça qu'il va lui dire finalement, va vendre ce que tu as. Parce que quand il a dit, là, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça, ah, il dit, t'en manques un qu'un. Tu es bon, t'en manques un qu'un. Va vendre tes biens, viens sur moi. Il est parti sur le bord. Jésus dit, t'en manques un qu'un. Moi, dis donc. Je ne crois pas qu'il était en train de lui dire, tu as tout réussi à faire les autres parfaitement. Mais c'est que le jeune homme croyait qu'il était capable d'observer la loi et de mériter la vie éternelle. Parce qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, tu ne peux rien faire. C'est moi qui vais faire de quoi pour que tu l'aies. Moi, je vais mourir pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. C'est pour ça qu'il va dire, dans la même histoire, il va dire, juste, tu vois, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes de mériter la vie éternelle. C'est impossible. Mais Dieu, il va le faire pour vous autres. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il envoie son fils pour qu'il meure pour nous autres. Donc, ce jeune homme-là était un bon gars dans la société. Il croyait qu'il était capable de mériter la vie éternelle. Puis il va demander au grand rabbin Jésus, dis-moi donc quelque chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, ta question, c'est pas la bonne. C'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que tu aies la vie éternelle qui est importante. Parce que toi, ce que tu dois faire, ben, si tu veux le faire, toi, mets en pratique la loi. C'est ce qu'il vient de dire, Paul, ici. Là. Mets en pratique la loi. Vas-y. Il dit, je l'ai toujours fait. J'ai vu, c'est très bien qu'il ne l'ai pas toujours fait. Je vais donc donner tes biens aux pauvres. Vas-y donc. Il s'en va la tête en bas, puis il ne fait pas. Et Jésus dit, il est impossible aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce jeune homme riche-là, parce que, pas parce qu'il était riche le problème, c'est qu'il aimait plus ses richesses que Jésus. Jésus lui offre, viens avec moi, viens vivre avec moi. Puis il ne veut pas. Il préfère garder ses richesses plutôt d'aller avec Jésus, qui allait, lui, finalement, lui aurait donné la vie éternelle. Parce qu'il dit, il est impossible aux hommes de gagner leur salut. Et dans la mentalité juive, là, c'est pour ça dire, moi, mais qui va être sauvé? C'est ça qu'il a répondu les apôtres. Qui va être sauvé? Parce que pour un juif, la meilleure chance que tu avais, c'est d'avoir d'argent. Parce que plus tu avais d'argent, plus tu vas faire des sacrifices, plus tu vas faire des aumônes, plus tu vas donner de la... plus tu vas en donner. Fait que tu avais bien plus de chances d'être sauvé. Puis il dit, mais si un riche ne se sauve pas, nous autres, qu'est-ce qui va nous arriver? Jésus lui répond, il est impossible. Il est impossible aux hommes. C'est pour ça que je suis venu. S'il avait été impossible aux hommes de se sauver par la pratique de la loi, Jésus ne serait jamais venu sur la terre. Jamais. Il aurait dit, peut-être mettez en pratique la loi, vous allez vivre. Mettez en pratique ce que je vous ai dit, vous allez vivre. Mais c'est très bien qu'on n'est pas capable. C'est pour ça que la malédiction, qu'on vient de voir, est sur nous. Elle est là. Parce qu'on n'a pas été capable de mettre en pratique la loi. C'est que l'apôtre Paul ici dit, Jésus vient nous racheter de la malédiction de la loi. Parce que la malédiction, la loi a amené une malédiction sur vous. Vous n'êtes pas capable de la mettre en pratique. Vous n'avez pas réussi. Mais il y a quelqu'un qui a réussi aussi, hein? C'est Jésus. Il y a quelqu'un qui a réussi à mettre la loi en pratique, c'est Jésus. Les autres n'ont pas réussi. J'ai une question. Est-ce que Jésus dit à lui juste vendre tout ce que tu as? Pas donner à la pauvre, pas... Non, va vendre tout ce que tu as et donner aux pauvres. Donner à la pauvre, mm-hmm. Oh, OK. Il n'a rien pour ça. J'ai déjà entendu quelqu'un qui dit, va vendre tous tes biens et amène-moi ton argent. C'est ça. Jésus dit, amène-moi ton argent. Mais il dit, non, il y avait de grands biens. Il n'était pas prêt à laisser passer ça. Il n'était pas prêt à laisser tomber tout ce qu'il possédait pour Jésus. Parce que dans ce temps, il faut bien se mettre dans sa tête. Pour être un disciple de Jésus, il faut que tu le suives. Il faut que tu le suives. Jésus, t'as pas tous ces CD qui passaient par la TV, là. Ça n'existait pas, ça, là. Ça n'existait pas, ces CD, dans ce temps-là. Si tu voulais entendre l'enseignement de Jésus, il fallait que tu le suives. C'était physiquement. Nous autres, on dit que j'accepte de suivre Jésus, de suivre la parole, d'obéir. Mais eux autres, pour ça, il fallait qu'ils suivent vraiment avec leurs pattes. Ouais, l'autre, il y avait une condition physique là, pour eux autres, à ce temps-là. Ah, parce que s'ils voulaient suivre Jésus, il fallait bien qu'il y ait. Mais ouais. Il n'aurait pas été obligé de vendre tout ce qu'il possédait pour le suivre. Il aurait pu juste dire, ben, je vais aller mettre un intendant là-dessus pour me suivre. Ça, mm-hmm. Mais Jésus, il faut juste le faire réaliser qu'il n'est pas prêt à faire tout ça. Il n'est pas prêt à le suivre. Puis, je pense qu'il a fait ressortir son amour qu'il avait pour tous ces biens-là. Parce que la loi lui disait qu'il devait partager ses biens avec les pauvres. Puis pendant qu'il ne faisait pas. C'est ça que Jésus fait ressortir ça. C'est la seule fois qu'il va dire ça à quelqu'un. Il va vendre tous tes biens sur moi. Il ne dit pas à tout le monde. Parce que pas tout le monde. D'autres, ça aurait été d'autres choses. D'autres, ça aurait été d'autres affaires qu'il aurait pu demander. Parce que tout ce qu'il est en train de lui demander, es-tu prêt hein, à me suivre, moi? Moi, je vais te donner la vie éternelle. Avoir Jésus comme première priorité dans sa vie? Non, pas la première priorité, la seule chose de la vie. C'est la seule chose de la vie. J'ai déjà prêché ça une fois dans une église. Si vous êtes riche, vous ne pourrez pas rentrer au ciel. Puis tous les gens dans l'église étaient riches. Puis je l'ai dit, moi, en plein, devant tout le monde. Si vous êtes riche, vous ne rentrez jamais au ciel. Jésus dit ici, il est impossible pour les riches de rentrer au ciel. Êtes-vous riche? Si vous êtes riche, vous ne rentrez pas au ciel. Et mon ami, ça s'est mis à tortiller sur les chaises, mon gars. Ça se tortillait sur les chaises. Il y avait une grosse église, puis plein de monde là-dedans. Des gens que je savais, que je connaissais depuis 20 ans, qui étaient riches. Puis j'ai dit, bien, la Bible a dit, comment vous l'interprétez, vous autres? J'ai dit, qu'est-ce que vous dites avec ça, là? Jésus dit, si vous êtes riche, impossible. Il n'a pas dit, c'est difficile, ça envoie de la misère. Il dit, impossible. C'est pas plus dur. Donc, je dis, je vous laisse avec ça, là. Non, il ne voulait pas que je laisse avec ça, sans poser des questions, ça peut être long. Tu sais quoi, la foi, là? Jésus dit bien, si vous êtes riche, vous ne rentrez pas. Mais là, ça veut dire quoi aussi pour nous autres, là, dans le fond? Même chose pour nous autres. Parce que là-dessus, on peut dire qu'on est riche. Bien, certain qu'on est. Comparativement. Mais si on dit qu'on est riche, si on dit qu'on est riche, on n'entre pas dans le monde des cieux. On n'entre pas, c'est marqué, là. Il faut dire que ça ne nous appartient pas, qu'on remet tout ça à Dieu. Il ne faut pas juste le dire, il faut le croire. Il faut le croire. Ouais. C'est pas d'avoir des biens qui est le problème. C'est de dire que c'est à moi. Okay. Parce que ça prend le dessus sur Jésus, puis ça prend le dessus dans ma vie sur Jésus, sur Dieu. Okay. C'est ça qui est le problème. Si Jésus demain matin viendrait chercher tous mes biens, est-ce que je continuerais à le suivre pareil? Mm-hmm. Est-ce que je continuerais à l'aimer pareil, pas à le prêcher pareil? Mm-hmm. Ou alors si je dirais, mais si ça soit suivre Dieu, moi je ne suis plus. Je n'ai entendu de ça. Alors, je pourrais vous dire, je pourrais en enlever du monde depuis 30 ans que j'ai entendu ça. Pour toutes sortes de raisons partir. Pour un homme, pour une femme, pour un job, pour de l'argent, pour une santé. Ils sont partis, ils ne suivaient plus Dieu. Parce que Dieu ne voulait pas leur donner ce qu'ils voulaient. C'est que leur bien. Tu avais déjà entendu l'histoire d'une madame qui donnait son offrande le dimanche matin. Puis elle donnait son 10%. La dîme. Elle donnait son 10%. Puis elle mettait ça dans son enveloppe. Elle recevait sa paie, elle mettait son enveloppe. Puis elle avait déjà entendu parler de ça, des budgets à enveloppe. Tu as déjà entendu parler de ça? Tu as 25 enveloppes, là tu mets. L'argent pour la nourriture dans une enveloppe, l'autre argent dans une enveloppe, le loyer. Puis là, tu mets toutes les enveloppes de même. Puis elle avait mis sa dîme, puis son argent dans l'enveloppe. Puis le dimanche, quand elle est allée chercher son offrande, elle s'est trompée d'enveloppe. Elle a pris la mauvaise enveloppe. Puis elle l'a mis dans l'offrande. En revenant chez elle, elle se rend compte qu'elle avait tout donné son argent à l'église, puis qu'il restait juste le 10%. Puis dans l'histoire, Dieu dit, tu vas savoir ce que c'est maintenant que vivre juste avec 10. Tu vas savoir qu'est-ce que c'est que vivre juste avec 10. Moi, je vais voir le 90 cette semaine. Je dis souvent dans mon enseignement, il n'y a pas de 10. Il n'y a pas de 90. C'est 100%. Dieu me dit, je veux que tu me donnes ta vie. Si j'ai vraiment donné ma vie, j'ai donné mon portefeuille avec. C'est certain. Tout lui appartient. Donc, tout ce que j'ai, ma vie, premièrement, mes talents, mes dons et les biens que j'ai, c'est pour servir Dieu. Donc, c'est pas à moi. J'ai déjà une fois que j'étais jeune, j'avais rentré dans un garage, j'avais fait réparer ma grosse vanne brune dans le terre avec les 6 enfants. Puis j'ai dit, je rentre, puis le monsieur, il dit, ça va coûter, il me semble que c'était 178$. Puis dans ce temps-là, c'était de l'argent pour nous autres. Puis là, j'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit, Seigneur, ta vanne est brisée. Je me suis chez nous, vous allez coucher. J'ai dormi. C'était pas plus dur que ça. Pour moi, je n'avais pas de vanne. C'était pas à moi, cette vanne-là. J'ai dit, si on n'a pas l'argent, Seigneur, je vais la mettre dans le fond du garage pour avoir rester là. Je vais continuer à servir la pied, ça ne me dérange pas. Parce que je n'ai pas de vanne, moi. C'est la tienne. C'est pas à moi, de vanne. C'est pas à moi, cette vanne-là. Si tu ne la répares pas, je vais la mettre dans le fond du garage, je vais la laisser là. Je vais travailler à pied. C'est tout. Parce que tu es en train de me dire que tu ne veux pas que j'aille une vente, c'est tout. C'est pas plus dur que ça pour moi. Donc, pour moi, ce n'est pas la quantité que j'ai, c'est quelle attitude que j'ai face à ce que j'ai. C'est-tu en moi? C'est-tu en moi, ça, là? Si j'ai travaillé pour l'avoir, c'est en moi. Ben non, si dans sa grâce, Dieu m'a établi gérant, comme dans les histoires qui comptent dans les proverbes, pas dans les histoires, mais dans les paraboles, je t'ai donné 2 talents, 5 talents, 10 talents. Ça, c'est des, on pourrait dire d'argent aujourd'hui, 1 000, 2 000, 10 000. Je gère ça pour moi. Pour moi. Il n'a pas dit gère-en, gère-en. En tout cas, gérer ça pour lui, pas juste 10% que je dois gérer pour lui. C'est le 100% que je dois gérer pour lui. C'est toute ma vie que je gère. Donc, je suis un serviteur. Le serviteur ne possède rien. L'esclave, le Bible m'appelle, l'esclave ne possède rien. Il y a juste les biens de son maître qu'il utilise. Voyez-vous la différence? C'est toute la pensée. Là. Parce que Jésus a dit, si vous gardez encore quelque chose qui est à vous, c'est bien possible qu'il y ait quelqu'un qui va venir et qui va essayer de vous l'enlever et vous allez me quitter. Mais si vous avez rien, il n'y a pas de pogne. Il n'y a pas de pogne. J'ai rien. Je n'ai même pas ma santé en moi. Je n'ai même pas la vie en moi. C'est pas à moi, c'est appartient à Dieu, ça. Donc, si je dis que c'est à moi, quelqu'un qui va venir l'avoir, je vais me battre avec pour le garder. Mais si ce n'est pas à moi, moi, quand je travaillais dans les usines, là, puis les bandits brûlaient ou les autres cassaient, je disais, « Boss, votre bâti est brûlé. M'en va chez nous. Tu sais, vous voulez parler? Je reviens demain matin. Je me couche puis je dors. Je pense que c'est pas à moi le bâti. Mais si ce serait à moi, là, je me casse la tête pour le faire réparer. Puis j'ai-tu l'argent pour le faire réparer? J'ai-tu ça pour le faire réparer? Là, ça dépend de moi. Mais quand si c'est pas à moi, vous savez comme moi, hein, quand c'est pas à nous autres, on s'en fait pas mal moins. On s'en fait pas mal moins. Mais quand c'est à nous, alors, et moi, je tentais, moi, bien, on ne s'en cache pas, on le dit à des gens, on prépare notre retraite qui s'en vient. Mais j'ai dit au Seigneur, dès qu'on a commencé, Seigneur, s'il n'y a pas de retraite, je ne t'en voudrais pas, tiens. Non. Mais on essaie d'agir intelligemment pour se préparer une retraite pour notre, dans 5-10 ans ici. Parce qu'on n'a jamais eu le temps de préparer avant avec les enfants. Mais j'ai dit, j'ai aucun contrôle là-dessus. Je sais bien, je fais ce que je peux, mais peut-être je n'arrive plus. Mais ça ne devient pas une priorité dans ma vie. Il ne faut pas que ça bloque mon œuvre pour le Seigneur. Il ne faut pas que ça arrête ça. Il ne faudrait pas que ça devienne une hantise presque. Non. Mais on se dit, bon, on se prépare une retraite qui a une semblante d'allure, mais on sait très bien que, Seigneur, c'est pour mieux te servir encore. On va continuer à te servir parce que même qu'on arrête de travailler, on va continuer à faire d'autres choses pour toi. Ça va être, on va faire autre chose. Peut-être pas la même chose, mais on va continuer à vivre. Pour toi aussi, c'est parce qu'on ne prend pas une retraite du Seigneur. On prend une retraite de travail, mais pas du Seigneur. Donc, le Seigneur va continuer à servir à 65 ans pareil, mais d'une autre manière, d'une autre façon de faire. Donc, tu vois, c'est pas je prépare ma retraite, c'est pas mes affaires que je prépare, puis si Dieu vient, il y a un crash économique, puis là, je perds tout mon argent, que je fais une crise au Seigneur. Si même matin, mon immobilier tombe à Mont-Tremblant, mais ma retraite tombe avec, parce que ma retraite, c'est 2 maisons. Donc, si ça tombe, moi, je n'ai plus de retraite, c'est fini, là. Ouais. Mais, pour moi, c'est pas dramatique. C'est pas. J'en veux pas à Dieu. Puis il a le droit de le faire. Si Dieu vient chercher 2 maisons, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est pas à moi. C'est à lui déjà. Donc je ne peux pas dire à rien et dire, t'as pas le droit de prendre ma maison. Mm-hmm. J'ai cette expérience que toute ma vie, je veux avoir une maison. Ça c'est notre but dans la vie, d'avoir une maison. Quand on a acheté le terrain là, puis on bâtit la maison nous-mêmes, on a fait ça. Mais c'est l'idée de faire ça, c'est plus important que la maison lui-même. Mm-hmm. Mais je suis disappointée parce que ça, j'ai pensé d'avoir une maison, le propriétaire d'une maison, c'est une grande chose avant. Mais quand c'est tout fait, c'est payé, la banque n'avait pas, on n'a pas une hypothèque, puis. Ça fait rien parce que c'était Dieu de même. Je marchais dans la forêt, on a 23 heures de bois. C'est à lui, ça ne me fait rien de. Je peux faire une marche dans la forêt ici, ça me donne la même chose. J'étais disappointée, moi, parce que j'attends ça pour longtemps. Ouais. Je travaille pour ça, je travaille fort. Ce qu'on dit souvent, le American Dream. C'est ça. C'est, j'ai une maison, j'ai une femme, des enfants. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Oui, hein, puis suis le quelqu'un. Monde me dit ça. Mm-hmm. Mais quand j'ai, j'aime ça, je dis merci à le Seigneur pour mm-hmm. ça. Mais j'ai une grande deck le matin, je vois là, je vois la forêt, je vois le grand arbre de arabe mm-hmm. argent. L'arabe argenté. Mais quand je viens ici, je loue un petit appartement comme ça, puis à le bloc appartement, il y a un grand deck comme la mienne à la maison, puis un grand... arabe argenté dans l'arrière. C'est ça, j'ai la même chose. Ça, c'est la chose que je manque le plus. Mais j'ai trouvé un appartement là parce que tout le monde me dit, ah, à Saint-Joseph, tu ne trouves pas un appartement, il est plein, il n'y a pas. Et tu l'as trouvé. Hein? C'est là, ça fait 3-4 ans de ça, ça fait 3-4 ans déjà de ça. Ah bon. Mais c'est toujours la même pensée que c'est pas en moi. C'est pas en moi. Okay? Et ce jeune homme-là, Jésus lui a pas dit de mettre en pratique la loi pour avoir la vie éternelle. Mais il a dit, si tu crois, comme ici, parce que là, c'est marqué au verset 12, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Si tu crois que tu peux avoir la vie éternelle en faisant quelque chose, va mettre la loi en pratique. Vas-y. Ben, je vais t'en donner une que tu n'as pas faite. C'est de vendre tes bibles aux pauvres. Là, le jeune homme réalise ce qu'il n'est pas capable de faire. Tout ce que Jésus veut faire, c'est de l'aider à réaliser qu'il ne peut pas le faire et se tourner vers Jésus pour l'avoir. La loi, elle a pour but. C'est ça qu'elle a comme pour but. C'est de m'emmener à désirer quelqu'un pour me donner la vie éternelle. Donc ici, c'est ça qu'il est en train de dire, c'est que si Jésus est venu, il dit par sa mort, parce que Jésus-Christ crucifié, par sa mort, il vous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, lui est devenu malédiction, lui est mort, lui a subi la malédiction de la loi, parce que la malédiction de la loi, c'est la mort, il n'y a pas d'autre chose, la malédiction, c'est pas tu perds ta maison, la malédiction, c'est la mort spirituelle. Jésus est mort pour que vous puissiez vous être délivré de cette malédiction-là. Donc, il dit, est-ce que la délivrance de la malédiction est venue par la loi ou par la prédication de la foi? Mais c'est par la prédication de la foi. Parce que la loi n'a pas pu vous enlever la malédiction. Plus, on va le voir la semaine prochaine, je pense, plus la loi, on est sous la loi longtemps, plus la malédiction va être présente parce qu'on n'arrive pas à la faire. On a... Comme on disait souvent, l'enfer va être pavé de bonnes intentions. Dans le fond, c'est que des gens qui voulaient bien faire, mais pourtant, ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, et Paul, il dit, vous êtes fou raide en québécois. Vous êtes fou raide. Vous voulez retourner à quelque chose qui ne vous a rien donné, à cette une malédiction. La prédication de la foi vous a donné cet esprit. La prédication de la foi a produit alentour de vous des miracles. La prédication de la foi vous a justifié, vous a délivré de la malédiction, et vous voulez retourner à la loi, vous êtes fou. Pourquoi Paul ne dit pas ça dans un langage plus simple? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Vous l'expliquez, en fin de compte, vos termes là, sont 10 fois plus simples et 10 fois plus clairs. Si j'avais compris ça, moi, quand j'ai lu ça tantôt, j'étais chez nous, je me suis assis, j'ai dit, je vais lire avant d'y aller, juste pour me donner un petit peu de clarté. Là. Hein? Il n'y a aucune clarté qui est sortie de ma lecture. Aucune, je n'ai rien compris. Parce que... Je vais demander de ce sujet-là. Il parle à les Juifs aussi, hein? Puis il... J'imagine Paul, il parle comme les Juifs, personnes qu'il avait dans la loi habituées à les prêtres, hein, habituées à la rabbi, de parler, puis Paul, il a le... Paul a pris un langage compréhensible pour eux. Mais c'est si moi, je me retrouverais là-bas, puis leur dire ça que vous venez de vous le dire, ils ne m'auraient pas compris. Mais si... Parce que dans nos cours d'homélétique, on nous dit, c'est votre travail... De vulgariser la Bible pour que les Québécois la comprennent. C'est ça notre travail en tant que prédicateur. Mm-hmm. C'est de prendre quelque chose qui est vieux de 2000, de 4000 ans, dans une autre langue, dans une autre culture, dans une autre, puis de transposer ça chez nous pour que les gens de chez nous la comprennent. C'est ça notre ambition, notre désir, notre mandat, dans le fond. Si Dieu nous a donné un don d'enseignement, c'est pour faire ça. Pour aider les gens à comprendre. Puis Paul, lui, aidait les gens à comprendre leur dans leur croyance, dans leur culture. Il dit, je vais prendre des termes que vous comprenez. Donc, est-ce que c'est vraiment ça que l'ensemble du peuple utilisait comme langage? Avec les Juifs qu'on parle. Oui. Parce qu'ici, il s'adressait à des Juifs. Là. Parce que les faux prophètes qui étaient venus, c'était des Juifs. Il n'aurait pas essayé de ramener des gens à la loi s'ils n'avaient pas compris la loi. Mais c'est des gens qui connaissaient la loi. Donc, il dit, oui, c'est bien d'être sauvé par Jésus, mais vous devez mettre aussi la loi en pratique. Il n'aurait pas dit ça à des purs païens qui n'auraient jamais entendu la loi de leur vie. Il aurait dit, tu prends la main. Mais on voit que, tu remarqueras, quand Paul, dans les Actes des Apôtres, quand Paul parle à des Juifs, son langage est bien différent. Quand il parle à des non-juifs. Oui. Bien différent. Quand il arrive dans l'Aréopage, à Raphaël, il parle, puis là, il leur parle, puis là, il ne leur parle pas de Jésus du tout. Là, il parle du Créateur, puis des si. Il n'a plus leur langage. Leur langage. Il dit, vous avez un hôtel dans votre ville ici, qui est adressé à un Dieu inconnu. Je vais vous parler de celui-là. Il n'a plus un langage qu'il connaissait. Il dit, je vais vous parler de ce Dieu inconnu-là. Puis là, il parle de Dieu. Lui, il parle, parce qu'il dit, ils ne connaissent pas le Dieu que je vais leur présenter. Donc, là, il parle de Dieu qui a créé le monde, etc. Il dit, ce Dieu-là va envoyer quelqu'un un jour. Là, il leur parle de Jésus. Il commence par là. Quand il parle aux Juifs, il retourne tout de suite au Messie, tout de suite à la loi, parce qu'ils connaissent ça. OK? Nous, si moi, je parlerais à un groupe de personnes qui seraient inuites, enfin, qui n'ont jamais été élevées, dans la culture québécoise qui était influencée en grande partie par le catholicisme, je ne parlerais pas de la même façon. Parce qu'il n'y avait pas le même arrière-plan que nous autres. Hein. Les autres, c'est les esprits. Une fois, j'ai dû enseigner, parce que ça faisait partie de mon cours, la pensée des Amérindiens, la foi des Amérindiens, avec toutes leurs croyances qu'ils ont, pour leur dire, pas que je croyais ça, mais il fallait que je présente les cinq grandes religions dans le monde, dans mon cours d'enseignement religieux à l'école. Et une de ceux-là, parce qu'on l'a pris pour le Québec, c'était le côté amérindien. Ils ont des croyances pas mal phénoménales, les autres-là. Donc, puis là, je me suis dit, si j'avais à présenter l'Évangile à des Amérindiens, j'aurais de la misère, ce coup-là. Je me souviens toujours de Gilles Saunier, et lui travaillait à Sept-Îles parmi les Amérindiens. Puis une fois, il est allé lui présenter l'Évangile dans le village, puis il n'écoutait pas pantoute, il voulait bien le savoir. Là, à un moment donné, Dieu donne un éclair de génie. Il dit, vous savez que Dieu avait promis une terre au peuple d'Israël, une terre, un pays nouveau pour eux autres, s'ils croyaient. Ils sont tous venus assister à la réunion, tout le village est venu le soir, parce que pour les Amérindiens, la terre, c'est bien important. La terre, c'est bien important. Le petit, ils se battent pour avoir le territoire. Puis là, tout d'un coup, il a pris un langage qu'il connaissait. Et Dieu voulait leur donner une terre promise pour eux autres. Alors, c'est quoi cette affaire de terre-là? Puis je me souviens, une fois, je marchais dans le bois à Val-d'Or, et je rencontre un homme, il avait pas 67, 68 ans, 70 ans. Puis, en le rencontrant comme ça, dans un petit sentier dans le bois, je vois qu'il y a un Nouveau Testament dans sa poche. Tu sais, la forme d'un Nouveau Testament Gédéon. Puis il dépassait, rouge. Okay. J'ai dit, j'arrête. Hey, j'ai dit, je veux que tu aies un petit Nouveau Testament. Tu lis la Bible? Oui, on commence à jaser. Ah, il dit, moi, j'étais missionnaire. J'ai été missionnaire toute ma vie. Il dit, parmi les Autochtones, dans l'autre bord de Chibougamau. Un chrétien évangélique. Puis, j'étais chrétien là-bas, puis j'ai dit, prêché l'Évangile pendant 30 ans. Ah, ouais. J'ai dit, puis, ça a-tu bien été? Il dit, zéro. Il dit, ça, zéro. Et je me suis réalisé, après 30 ans, que je ne savais pas lui parler. Puis il dit, Dieu, dans sa grâce, a envoyé un Amérindien, un natif, qui s'était converti. Et il est allé lui prêcher l'Évangile. Et il dit, j'ai compris en l'écoutant que je ne m'adressais pas à eux autres. Je parlais à des Québécois, puis ils ne comprenaient pas ce que je leur disais. Et là, lui, cet Amérindien-là, a parlé, et il y a une église de 300 qui s'est faite dans l'espace de quelques années. 300 personnes se sont converties au Seigneur. Parce qu'il a pris un langage qu'il comprenait. Parce qu'il venait de la main. Puis ça fait la même chose avec nous autres au Québec ici. Quand les anglophones sont arrivés dans les années 50, ça a été très difficile. Quasiment personne ne s'est converti pendant 20 ans. Du coup, 20 ans après, les Québécois commencent à prêcher l'Évangile. Boum! 40 000 convertis dans l'espace de 10 ans. Parce qu'on a parlé à des Québécois en tant que Québécois. les gens comprenaient ce qu'on leur disait. Parce que c'est ça le défi du missionnaire, c'est d'aller dans un pays qui ne connaît pas la culture, ni la langue, ni la façon de parler. Et, il y avait toujours, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un monsieur qui est allé en Russie. Puis il est allé pour parler. Puis là, il était tout sur une estrade, il y avait une vingtaine. Et puis il y avait le pasteur est en avant. Puis il était assis. Il attendait son tour. D'un coup, quand c'est mis son tour, il dit les gens se sont vus, puis ils ont commencé à sortir. Puis là, il dit Wow, c'est pas fini, là. T'as pas... Puis, Ils sont tous sortis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est fait? Il y a quelqu'un qui est allé nous parler, il dit t'es un homme très impoli. Il dit, on t'écouterait pas parler. Je ne vais même pas parler encore. Non, tu faisais juste te croiser les jambes tout le temps. Croiser les jambes. Et c'était impoli de faire ça en public. Très impoli de faire ça en public. Vois-tu? C'est une niaiserie. Une niaiserie dans une culture différente. Tu ne croises pas la jambe en public devant tout le monde. Sont partis. Puis, j'ai entendu souvent des missionnaires qui ont fait des erreurs comme ça, monumentales, puis que, ça les a coupé les ponts avec les gens qui voulaient atteindre. Que, comme aux Indes, quand ils vont aux Indes, les femmes des missionnaires, il faut qu'ils fassent un paquet de choses pour que les missionnaires soient acceptés. Le voile, marcher en arrière de leur mari, 10 pieds en arrière. S'ils ne font pas ça, ils ne sont pas acceptés. Donc, il faut que tu connaisses la culture dans laquelle tu vas aller. Il ne faut pas être une pierre à chaque main, c'est quand j'en ai. Comme Jésus, hop, s'est adressé à eux d'une façon qu'ils comprenaient. Quand Jésus, comme nous autres, on vous a déjà entendu ça. La Bible, c'est plein de paraboles, on ne comprend rien. On vous a déjà entendu ça. Mais pourtant, dans leur culture, c'était la manière d'enseigner des paraboles. Côté d'histoire. Puis des histoires figurées, puis allégoriques. C'était leur façon. Nous, on a de la misère à comprendre parce que ce n'est pas notre façon soit, de faire les choses. Tradition orale aussi. Donc, c'était vraiment une... Jésus a pris leur façon, leur langage, leur manière de faire les choses. Quand Jean a écrit l'Apocalypse, c'est un style littéraire qui a existé au temps de Jean. Beaucoup de monde écrivait de ce style-là. Jean n'a pas pris, il n'a pas inventé un style. Il a transmis le message de Dieu dans un style très connu dans ce temps-là. Exact. Le style apocalyptique, c'est pour ça que si vous étudiez l'histoire, alentour des années 100, 150, à peu près 75 à 150 après Jésus, beaucoup de livres ont été écrits de style apocalyptique. Okay. Parce que c'était un style littéraire. Mais pour nous autres, c'était un peu style science-fiction, ça. C'est science-fiction pas mal. Mais on a moins de misère, nous autres, à comprendre qu'il a été élevé avec les Nintendo et les science-fiction que les plus vieux qui connaissaient pas du tout. Nous autres, on est habitué d'avoir des bébés partout, puis des monstres qui ont plusieurs têtes, puis tout ça. Et c'était le style littéraire. Et si, quand toi tu dis ça, parce que Paul a parlé à un peuple qui avait une compréhension des choses, et il s'est adressé, je suis convaincu, quand tu as fini, ils ont compris tout de suite. Et c'est facile pour Paul parce qu'il est juif. Oui, t'es juif. T'es juif, il avait dans son mais aussi avec la loi. Les autres, les Romains, il est citoyen romain, il connaît le Sénat, toute l'affaire. Mais François, ici, Saint-Pierre n'avait pas fait un reproche à Paul à un moment donné qu'il enseignait d'une façon trop sophistiquée. Pas dans ces termes-là. Il dit, des fois, Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. Difficiles à comprendre. C'est comme ça qu'il dit. Et c'est un juif, lui aussi. Oui. Je ne suis pas surpris que quand Pierre a dit ça, il lisait ce que Paul avait écrit à des non-juifs. Ça, je ne suis pas surpris pas en tout. Parce que quand Paul écrit l'Épître aux Romains, c'est pas évident là, de lire ça. Puis surtout, c'était. Parce que quand Paul s'adresse à des non-juifs, il dit, je me suis fait juif avec les juifs, et je me suis fait non-juif avec les non-juifs. Donc, il a parlé d'une façon qui n'était pas juive à certaines personnes. Je ne suis pas surpris que Paul, Pierre, pense à ces choses-là, peut-être. Mais Paul était un érudit. Paul était un savant. Il était un savant, Paul. C'était un génie, Paul. Ça. Il était un des génies de sa race, de son temps. Il dit, je suis plus instruit que tous les jeunes de mon âge. Puis il a étudié avec Gamaliel. Pour étudier avec Gamaliel, c'est comme Harvard, dans le temps aujourd'hui. C'est pour entrer à Harvard, ça prend les plus hautes notes de bulletin. Hein. Puis Paul avait été étudié à Harvard, d'Israël, avec Gamaliel. Donc, il était un homme très intelligent. Puis il y a des phrases là, que Il écrit des phrases, des fois, là, c'est 14-15 lignes, c'est une phrase. Nous, on ne fait pas ça, on fait des phrases d'une ligne ou deux. Lui a écrit des phrases de 14 lignes. Donc, c'est un homme qui a une grande, grande capacité. Puis, il parlait avec beaucoup d'intensité. Il résumait, il parlait par concept. Hein. Et par concept, c'est difficile à suivre, des fois, par le concept. Hein. Moi, j'ai lu des livres, des fois, dans mes cours. Ça de côté, puis là, je me reprends deux, trois fois pour le lire. Parce que le gars parlait à un niveau qui était par-dessus moi. Mm-hmm. Par-dessus moi. Donc, dépendamment à qui on s'adresse, il faut être capable. Je vous ai déjà raconté une fois, on avait eu un professeur qui était venu nous instruire. Puis quand ça faisait à peu près, on avait pour deux semaines, puis ça faisait deux, trois jours, on ne comprenait pas ce qu'il nous disait. On n'arrivait pas à suivre. On a levé la main pour nous dire, est-ce que vous pourriez baisser d'un cran? On n'arrive pas à suivre. Parce qu'on avait lu son livre, pourtant, on avait pris son... Lui n'a pas été capable de vulgariser. Il n'a pas été capable. Il a continué pareil comme il était parti. On a fallu lire son livre deux, trois fois pour essayer de comprendre, lire nos notes pour essayer de comprendre ce qu'il disait. Parce qu'il était habitué d'enseigner à un niveau plus haut que nous autres. C'est comme, moi je me souviens quand j'ai commencé à enseigner au primaire, à l'école publique. Alors ça m'a pris deux mois avant d'arriver au niveau de la première année. J'avais une déformation professionnelle, j'ai toujours enseigné aux adultes. Puis là j'arrivais, la première fois j'arrive, j'arrive avec du matériel pour le secondaire 5, probablement. Puis là je me suis mis à, je n'avais pas fait trop. Le lendemain, je n'avais fait encore bien trop. Finalement, j'en avais bien trop. J'avais déformé ça, j'étais trop habitué avec les adultes. Ça m'a pris du temps à dire de me mettre à un niveau d'un enfant de 6 ans et de l'enseigner par tranche de 5 minutes. Et je crois que dans la Bible, la plupart, c'est une des raisons, Joseph, que... L'Église catholique n'enseigne pas ces choses non, du tout. Je veux dire, ils passent outre et ils vont pas prendre une phrase que Saint Paul dit, par exemple, il y a une petite phrase que Saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ils vont prendre une petite phrase à gauche et à droite, une petite phrase là. Ils vont répéter ça, ils vont en faire un enseignement. Ouais, mais de l'enseigner comme tu fais là. Moi, j'ai pas été élevé comme ça non plus, en tant que catholique non plus. Donc, il y avait. Moi, j'appelle. L'Église catholique a prêché ce que moi j'appelle la moralité. Oui, je sais que c'est pas. C'est amoral, c'est faire du bien, faire ceci. Oui. Mais ils nous enseignaient pas les doctrines de base pour appuyer ça en arrière. Fait qu'on nous demandait d'agir sans trop comprendre. Puis je crois que on a besoin de comprendre ce qui se passe. Oui, je suis content. Je suis content, François. Si j'ai dit ça, je ne sais pas pour. Nous aussi, on est content. Oui. J'appuie moi aussi, François. J'appuie. Parce que moi, j'étais. C'est toujours la question d'amener les gens à saisir, mais. J'étais pour dire, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens, en général, dans l'Église évangélique, lisent très peu la Bible. Ils ont de la misère à comprendre. Ils vont lire une page ou deux, puis ils sont comme. Ils n'arrivent pas à faire la raison, de donner, comprendre ça. Fait que c'est une des raisons pourquoi je crois que Dieu a donné à l'Église des enseignants. Pas juste des Bibles. Ouais. Vous n'avez qu'une Bible, arrangez-vous chez vous. Non, il y a des enseignants qui vont être capables de faire le lien, si ça fait le lien, de vulgariser ça, d'amener ça à quelque chose de pratique, de compréhensible pour tout le monde. Parce que moi, ça fait 30 ans que j'ai passé des milliers d'heures à étudier ça. Des fois, moi, je vous enseigne pendant 20 minutes, une demi-heure. Moi, j'ai passé 20 heures chez nous à étudier ce que je vais prendre 20 minutes à vous dire. Donc, nous, lorsqu'on a ça, bon, là, je le comprends. Mais comment est-ce que je vais dire ça pour que les gens le comprennent? Parce que les autres, ils ne passeront pas 20 heures à le faire. Ils vont passer 45 minutes avec moi. Fait que là, faut que tu enlèves un paquet d'affaires que tu n'as pas besoin de leur dire. Ils n'ont pas besoin de savoir tout ça. Mais ils ont besoin de savoir qu'est-ce que le texte dit. Simplement. Bien simplement. Et quand ils ont compris ça, ils s'en vont chez eux et ils disent, ouais, c'est ça que Dieu a dit. Puis ils s'en vont avec ça. Mais dans le fond, si tu les enverrais ailleurs, ils disent, enseigne les dons à d'autres, il aurait peut-être un peu misère à le faire. Mais il serait capable de dire, François nous a dit que la foi était plus importante que la loi. Puis c'est pas la loi, il faut avoir, c'est la foi. Ils vont résumer ça comme ça. Puis là, moi, je suis bien content. Ils ont compris l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc, c'est juste qu'une... Puis des fois, on peut avoir à défaut avec nos Bibles, la traduction française peut être moins bonne que d'autres traductions françaises. Ça va plus nous aider à comprendre certaines Bibles en français que d'autres Bibles en français. Même en anglais, le King James, c'est facile pour moi parce que je l'avais dans ça. J'étais élevé avec ça. Mais les modernes, la langue moderne, je l'utilise comme une Bible secondaire pour quelques mots que... C'est un des deux, c'est un des défis des traducteurs de la Bible. Ils vont prendre les textes grecs, puis de la mettre dans un français compréhensible pour 2007. Parce que c'est pas le même français que le 1500. Parce que moi, j'ai lu des livres ou des articles qui dataient du 15e, 16e, 17e siècle de nos cours d'histoire, et on ne comprenait pas. On n'arrivait pas à suivre l'idée, puis c'est en français. Mais là, le français du temps, là, on disait, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? Puis là, il faut la lire 3-4 fois. Puis là, il faut demander de l'information à quelqu'un qui connaissait ça. Puis là, on trouvait d'aller voir notre prof, il avait son doctorat là-dedans. Il me dit, mais ouais, mais on ne comprend pas les expressions. Fait que lui, il dit, ah ben ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ah, là, le texte s'illuminait tout d'un coup. On finit, ah oui, là, je comprends. Mais ça a pris quelqu'un pour nous aider à aller chercher l'information qu'on n'avait pas à cause de notre manque de bagages, de leur culture, de leur temps. Donc, c'est toujours ça le défi. Après vos explications, je relis, là, et ça, c'est beaucoup plus simple. Ben oui, c'est beaucoup plus clair. Ouais. Beaucoup plus clair. Puis nous, on a des idées déjà faites dans notre tête. Hein? On a déjà des pensées enregistrées dans notre tête face aux choses de Dieu. Puis là, quand on arrive, là, ils viennent en conflit avec ça. Ils viennent en conflit. Il faudrait être capable de faire le ménage, puis lire avec une intelligence vierge, puis qu'on absorberait. Mais là, quand Dieu dit à Jérémie, il l'envoie vers le peuple d'Israël, Jérémie, je vais donner une job pas facile. Il dit, il n'y a personne qui va t'écouter. Mais il dit, je veux que tu y ailles pareil. Il dit, il va falloir que tu te démolisses avant de bâtir. Avez-vous déjà fait ça, prendre une vieille maison pour la rénover? C'est bien plus d'ouvrage que d'en monter de neuf. Puis Dieu dit, je t'envoie là, mais il va falloir que tu te démolisses avant de bâtir. Et il dit, il n'y a personne qui va t'écouter. Mais ceux qui vont venir après toi, les autres vont pouvoir enseigner, là, ils vont comprendre mieux. Mais toi, ta job, ça va te démolir bien plus que d'autres choses. Des fois, nous, ce qu'on a voulu faire, quand on veut enseigner, c'est pareil comme si. C'est pas que j'avais déjà fait ça, essayer de monter des mathématiques à quelqu'un qui a mal appris les mathématiques. Qui a mal appris. Là, il faut que tu te dises, c'est pas comme ça, faut que tu fasses ça, c'est comme ça. Et c'est bien plus dur que de prendre quelqu'un qui n'a jamais appris, là, tu lui montres. Et c'est dans la fête de la Bible, moi, ça fait la même chose pour moi. Quand j'arrive, je suis obligé de me battre avec mes propres idées. Je dis, enlève tes idées, essaie de lire le texte comme si tu n'avais jamais rien entendu. Pour pouvoir absorber ce que le texte dit. Ça, c'est le défi de chaque personne qui étudie des vieux textes. C'est de ne pas se laisser influencer par notre contexte à nous autres. Trop avant. Et là, de prendre juste le texte comme il est, de l'appliquer dans notre vie, puis là, François, c'est ça que le texte dit. Fait qu'il faut que tu l'appliques dans ta vie, il faut que tu enlèves ce qui n'est pas correct. Là, parce que ce texte-là, il dit ça. Donc, c'est tout un travail. Puis les gens, des fois, je me souviens, il y avait un homme qui était une voix, « François, tu as un bel job, toi. » Je dis, « Oui, j'aime bien ma job, oui. » Il dit, « Tu travailles juste quelques heures par semaine. » Il dit, « Tu t'enseignes une heure le mercredi soir, puis une heure dimanche matin, c'est fini. Tu as vraiment un bel job. » Pour lui, là, il ne comprenait pas. Puis Denise, une fois, Denise non plus, elle ne comprenait pas ça au début. Parce qu'elle n'était pas une femme d'études, de par sa nature. Pour elle, étudier, elle est assez qu'un livre, c'est de la détente. Pour elle, quand elle lit, c'est de la détente. Puis moi, quand je lis, c'est de l'étude, c'est du travail. Voilà, elle ne comprenait pas. Puis, jusqu'à temps, jusqu'un jour, qu'elle devait enseigner aux femmes dans une église. Elle a fait dire qu'une fois, c'était fini. Elle a dit, mauvais le fun. Moi, j'ai dit, sais-tu, moi, il faut que j'en prépare 4 demain par semaine. Là, elle disait, ouais, je comprends ça. Je comprends ça. Parce que là, elle s'est vue ce que c'était d'enseigner pendant 45 minutes un groupe de 30-40 personnes. Puis, ça serait facile des fois si on avait tous le même niveau. Mm-hmm. Les élèves au même niveau. Mais nous, dans notre groupe, nos élèves ne sont même pas au même niveau. Mm. Le dimanche matin, il y a des gens qui ça fait 30 ans qui sont en train d'étudier. D'autres, ça fait juste 2 semaines qu'ils étudient. D'autres, ça fait 2 ans qu'ils étudient. D'autres, ils ont 18 ans. D'autres, ils ont 60 et 18 ans. Tu vois jamais ça dans une classe normalement. Mais là, nous, on doit être en avant de ça et pogner tout ce monde-là en même temps. Des gens qui ont des doctorats puis des gens qui ont jamais été école. Donc là, tu dis, notre enseignant en prédication, il disait, prends la petite vieille qui est dans le coin là-bas et qui n'a jamais été à l'école. Puis si elle comprend, tout le monde va comprendre. C'est ça qu'il nous disait de faire. Oh, oui. Parce que si tu prends le docteur à l'autre bord, il va peut-être comprendre, mais le reste de la classe ne comprendra peut-être pas. Okay. Il dit, faut que tu prennes celui qui est moins capable, puis de le présenter que celui qui est bien instruit va être intéressé quand même, ouais. Puis il va avoir quelque chose à manger. Mais la madame, au fond, qui n'a jamais été à l'école, elle va comprendre aussi, puis elle va trouver ça bon aussi. Fait que tu ramasses tout ce monde-là en même temps. Fait que c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. C'est comme enseigner un groupe de... une classe de 30 étudiants adultes qui...